te laisserai jamais solo. Dans mon top 10, tu ne rentres pas. Si je la trompe belle, c'est qu'elle s'accompagne pas. On passe les nuits au Fontaine, à Fontaine. Ma belle, elle n'a pas besoin de Fontaine. Elle dira, viens danser avec moi. Danser avec moi. Elle dira, viens danser avec moi. Viens danser. T'en veux plus.